cette fois ça ira. J'ai pris le temps d'avaler les paroles, les mensonges, les baisers. Pour cette fois ça ira, car on j'ai pas tourné et je suis parti tout droit me recycler. Maintenant que je suis rendu là, je sais pas ce que ça a donné de tout salir, de tout renier, de tout couper. Et même si je le sais pas, aujourd'hui je voudrais te parler, t'écouter, te serrer, t'embrasser. Si moi, j'aurais mieux fait de la fermer, faire un effort, laisser passer, pas chialer. Faire comme si l'oiseau en cage, menacé par le chat sauvage, avait des griffes pour se protéger. Tu sais ma belle amour, c'est plus facile sans détour, sans piège, sans leçon, sans collier. Mais je sais très bien que moi, je serais premier à tout gâcher, à changer les règles que j'avais inventées. Jusqu'à aller des fois à tricher pour m'assurer que j'ai belle et bien raison de t'aimer. Mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est que c'est moi que j'ai pas confiance, même si je sais très bien qu'on a de la chance de s'aimer tous les deux. Mais enfin, c'est ce que je veux, c'est peut-être une illusion, un rêve pieux. Mais au fond, je sais que le bon Dieu va m'aider de ce côté-là, va m'aider pour que je reste avec toi. Et qu'on s'aime toute la vie, même ce jour ce sera fini, je recommencerai à prier Jésus-Christ. Toute la vie, même ce jour ce sera fini, je recommencerai à prier Jésus-Christ.